Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast Agro J'écoute sur Campus FM. Nous sommes Sarah, Alice et Angèle, Bonjour. Trois étudiantes à l'école d'ingénieurs de Purpan en agronomie. Nous sommes dans notre dernière année de formation et suivant la spécialisation en transition agroécologique. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la décroissance en agriculture. Alors, pourquoi ce sujet ? Parce que dans nos études, on travaille chaque jour sur des moyens de produire et de nourrir l'humanité tout en limitant notre impact sur la planète. Et c'est le cœur même de l'agroécologie, réconcilier à la fois production agricole et respect de nos écosystèmes et de notre environnement. Mais la décroissance, elle est souvent liée à cette notion de consommation et elle soulève de nouvelles questions. Lorsqu'elle touche à l'un de nos besoins fondamentaux, c'est de se nourrir. Agro J'écoute, ça commence maintenant. Agro J'écoute, l'émission où les étudiants de l'école d'ingénieurs de Purpan prennent le micro pour nous parler d'agronomie, d'environnement, d'agroalimentaire et d'agriculture. Agro J'écoute, une émission préparée et conçue par Sophie Yvon et Simon Giuliano. Les paysans ne sont pas les seuls dans le département de l'Aveyron à s'en prendre au symbole de l'industrie agroalimentaire. Tous les produits en cidre devraient être interdits. En partenariat avec Campus FM, l'Université fédérale de Toulouse et l'École d'ingénieurs de Purpan. Alors pendant des siècles, l'humanité elle a vécu avec l'illusion que ses ressources naturelles étaient infinies et ça a permis une croissance économique sans limite. Cette croissance s'est intensifiée au cours de ces deux derniers siècles et notamment avec la révolution industrielle. Certains s'en félicitent de cette croissance. C'est un rebond spectaculaire de l'économie française. Très fier Bruno Le Maire, car en 2021, la croissance a bondi de 7%, du jamais vu en 52 ans. La croissance est repartie. Oui, la reprise que l'on espérait, que l'on attendait, elle est là et ça n'est plus une prévision, un pronostic, c'est une réalité. Donc là, on vient d'écouter une compilation d'émissions radio et on a pu reconnaître Bruno Le Maire, notre ex-ministre de l'économie, qui justement se réjouit de l'augmentation du PIB en 2021 et donc se réjouit de cette croissance. Mais l'économie, à l'origine, justement, elle était pensée comme un outil destiné à améliorer notre confort de vie, à faciliter notre bien-être. Et aujourd'hui, ça semble être un peu une fin en soi qui a été détournée de sa vocation initiale, qui était de nous aider à construire une meilleure qualité de vie. Et malheureusement, aujourd'hui, on aperçoit un peu les conséquences, même beaucoup, à travers certains phénomènes qui sont plutôt alarmants. Aujourd'hui, les énergies fossiles, elles représentent 80% de notre consommation énergétique et elles sont en constante hausse. On peut aussi parler du phénomène de l'épuisement de nos ressources en eau douce. On connaît tous le cas emblématique de la mer d'Aral, située en Ouzbékistan. On a tous cette image en tête de ce bateau de pêcheurs qui est déposé en plein milieu du désert. Et en fait, cette mer s'est retirée, ça est notamment lié à la culture de coton et de riz, qui ont été irrigués très fortement. Et aujourd'hui, ce lac, qui était le quatrième plus grand lac au monde, a complètement disparu. Et enfin, il est impossible de parler de défis environnementaux sans vous parler du changement climatique. Et à mesure qu'on brûle toutes ces énergies fossiles, on libère des gaz à effet de serre et qui se stockent dans l'atmosphère et qui provoquent une augmentation des températures mondiales. Donc c'est un constat bien alarmant que Sarah vient de nous décrire. Donc effectivement, les sociétés, surtout occidentales, vivent dans un modèle croissant. Et en fait, ça se reflète beaucoup dans nos modes de consommation, avec un renouvellement permanent de nos objets, de nos écrans. On veut toujours aller plus loin, plus haut. On veut du neuf et on en veut beaucoup. Donc on a un peu cette sensation d'opulence qui est très fortement liée à la croissance. Et face à ce constat, il y a certains économistes qui prônent un nouveau modèle, une nouvelle façon de vivre et de s'organiser en société. C'est la décroissance. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc, avant de revenir à la définition de la décroissance, on va d'abord faire un retour rapide sur la croissance et son moteur principal, le PIB. Ensuite, on aura des éléments de définition, on reviendra sur les origines et sur les grands principes de la décroissance. Et ensuite, on pourra croiser la décroissance au monde agricole et voir un peu les leviers et les pratiques possibles à travers l'exemple d'un projet de ferme. Et enfin, on reviendra sur les critiques et les verrous très forts qui se posent en agriculture quand on parle de décroissance. Mais avant de parler de l'agriculture d'aujourd'hui, revenons quelques années en arrière et écoutons cet extrait du film « Tu nourriras le monde » produit par Nathan Pirard et Floris Schruiger, où nous entendons le président Charles de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale, plein d'ambition et de promesses pour le monde agricole. Après la Seconde Guerre mondiale, la France n'a toujours pas retrouvé son autonomie alimentaire et dépend des importations agricoles. Alors, comme d'autres pays d'Europe, on décide d'investir massivement dans l'agriculture pour gagner notre indépendance et sortir nos paysans de la pauvreté. Le général de Gaulle, alors au pouvoir, exprime sa volonté de moderniser l'agriculture et de faire de cette paysannerie une histoire passée. Il faut une transformation de l'agriculture française de manière qu'elle devienne absolument et dans tous ses éléments, comme on dit, moderne. Merci Alice pour cet extrait. Maintenant, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet et on va commencer par vous proposer de lire une citation de Serge Latouche, qui est un économiste et philosophe français, qui est connu pour être l'un des principaux théoriciens de ce terme de la décroissance. Pour survivre ou durer, il est donc urgent d'agir et d'organiser la décroissance. Quand on est à Rome et que l'on doit se rendre par le train à Turin, si l'on s'est embarqué par erreur dans la direction de Naples, il ne suffit pas de ralentir la locomotive, de freiner ou même de stopper, il faut descendre et prendre un train dans la direction opposée. Cette décroissance, justement, elle est représentée par cette descente du train et cette prise de décision dans le sens inverse et cette course effrénée à la croissance, au PIB, ce train qui va à toute vitesse vers cette croissance économique sans limite. Il remet de nombreuses fois en question toute notre façon de penser, de concevoir l'économie et il évoque cette confusion entre l'objectif et le moyen. Mais avant cela, peut-être on va aborder quelques éléments historiques et Angèle va vous rappeler l'origine de ce mot de la croissance et de son évolution. Donc notre monde, il est en constante croissance depuis la révolution industrielle, notamment où il y a eu un gros bond technologique et économique qui a complètement transformé nos sociétés. Mais c'est véritablement après la Seconde Guerre mondiale que les choses se sont accélérées et qu'on a commencé à se poser la question jusqu'où peut-on croître dans un monde aux ressources limitées. Et en 1972, c'est dans le rapport Limit to Growth qu'on s'est posé vraiment cette question et qu'on a remis en question la croissance avec la question de la compatibilité entre notre système économique qui est fondé sur une croissance infinie et la réalité environnementale. Mais la croissance infinie et vouloir croître jusqu'à n'en plus pouvoir, ça vient d'où et qu'est-ce que ça veut dire sur nous ? Donc en fait, la croissance, si on revient donc sur la définition, en économie, c'est l'idée d'augmenter la production de biens et de services chaque année. Et cette notion repose sur un indicateur clé, qui est le produit intérieur brut, ou PIB. Donc en fait, ce PIB, il mesure la valeur totale des biens et services produits sur une année, et il est utilisé pour évaluer la santé économique d'un pays. Beaucoup de pays partagent cet objectif de produire plus de richesses pour augmenter le niveau de vie de ses habitants. Seulement, le problème, c'est que cet indicateur, il est strictement économique et il ne tient pas compte de ses impacts, que ce soit environnementaux, sociaux ou sanitaires. Par exemple, une activité économique, elle peut contribuer à la croissance tout en détruisant des écosystèmes ou en générant des inégalités. Si on prend l'exemple d'un agriculteur qui va acheter des produits phytosanitaires pour les mettre dans ses champs, quand il va les acheter, ça va faire augmenter, donc ça va être une activité économique qui va faire augmenter le PIB. Et ensuite, il va y avoir des externalités négatives, c'est-à-dire que ça va polluer l'eau et les champs et le sol. Et ensuite, il va sûrement falloir dépolluer cette eau pour pouvoir la consommer de nouveau. Donc, encore une fois, participer à cette croissance économique, mais avec des impacts négatifs qui sont visibles. Donc, maintenant, nous allons écouter un extrait de Blast où Timothée Parik, économiste environnemental, fait une critique du PIB. Le problème de l'obsession avec la croissance, déjà, c'est qu'on n'a pas de définition précise de cette croissance. On a un indicateur, le produit intérieur brut, qui est une estimation de la production à travers la mesure des agitations monétaires. Mais ça, c'est une mesure très concrète, mais on lui projette des valeurs, on considère ça comme un progrès, et on essaye de la préserver à tout prix. Donc même à un moment donné où on va avoir un effondrement écologique absolument cauchemardesque ou des crises sociales à répétition, eh ben on va quand même essayer de sauvegarder cette sacrée croissance qu'on mesure avec cet indicateur très concret. Donc comme l'a évoqué Timothée Paric en début d'extrait, il n'y a pas de définition fixe à cette décroissance. Et parfois ça crée même un désaccord dans l'imaginaire commun. La décroissance est souvent perçue comme l'inverse de la croissance. Mais en réalité c'est peut-être bien plus qu'une opposition. Si je peux citer Mark Twain, qui est un conférencier mais aussi humoriste et satirique américain, il dit « Quand on a un marteau dans la tête, on voit tous les problèmes sous forme de clous. Notre marteau aujourd'hui, ben, c'est le PIB, l'innovation technologique et notre obsession pour la croissance, c'est ce clou-là. » Et il met également en lumière certaines absurdités en disant « Si mon voisin me paye pour creuser un trou et que je le paye pour le reboucher, le PIB augmente, mais est-ce qu'on a réellement créé de la valeur et de la richesse ?» Donc en fait, c'est une vision assez unilatérale et on ignore toute la complexité des enjeux actuels, qu'ils soient sociaux, environnementaux, comme tu l'as dit, Angèle. Et donc pour certains défenseurs de cette décroissance, adopter ce concept, c'est aussi accepter de repenser toutes nos façons de faire, de produire, de consommer. Et pour certains même, il ne s'agit pas de moins, mais plutôt de mieux. Donc, on vient de voir que la décroissance, en fait, c'est bien plus qu'un simple opposé à la croissance. Et donc, l'économiste environnemental qu'on a entendu juste avant, donc c'est Timothée Paric, et dans son livre « Ralentir ou périr », il explique la décroissance comme la réduction de la production et de la consommation pour alléger notre empreinte environnementale. Tout ça planifié démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc c'est une définition très intéressante, mais qui soulève des questions très concrètes lorsqu'elle se confronte notamment à des secteurs essentiels comme l'agriculture. Oui, évidemment, l'agriculture, on voit bien qu'elle tire profit des écosystèmes, des sols, des animaux, pour répondre justement à nos besoins d'alimentation. Et c'est vrai que c'est une petite vision assez utilitariste de la nature. Oui, en fait, les fermes, on appelle ça des exploitations agricoles. C'est bien la preuve d'un rapport de force bien installé entre les hommes et les ressources naturelles. L'agriculteur ou agricultrice exploite et les terres et les animaux sont exploités, comme essorés un peu de toute leur sève pour notre profit, comme disait juste avant Sarah. Mmh. Mais c'est bien justifié parce qu'en fait, l'agriculture, ça répond quand même à un besoin primaire commun à tous, qui est de manger tous les jours. Donc maintenant, on se demande, est-il possible de produire autrement, voire moins, tout en répondant à nos besoins alimentaires ? Donc d'abord, il faut rappeler que le secteur agroalimentaire, c'est un des secteurs les plus gourmands en énergie et en ressources. Par exemple, utilisation de carburant pour les tracteurs, mais aussi la fabrication d'engrais, donc notamment les engrais azotés, qui sont très demandeurs en énergie, et la transformation des aliments. Donc ce modèle, il est intensif en utilisation d'énergie et il est efficace à court terme. Mais il a un impact écologique majeur. Donc, on peut imaginer un modèle décroissant. Peut-on imaginer un modèle décroissant qui soit à la fois durable et capable de nourrir le monde ? Donc, maintenant, je vais laisser Alice avec des exemples de décroissance appliquée à l'agriculture. Ouais, en fait, effectivement, pour illustrer ce qui était possible de faire en agriculture. Dans un esprit de décroissance, on a voulu vous présenter comme un projet de ferme où on prenait un agriculteur, une agricultrice au hasard et on imagine qu'il s'installe et il construit sa ferme avec, dans l'idée d'une ferme décroissante, entre guillemets. Donc tout d'abord, en fait, la décroissance, on pourrait voir ça comme une question de taille. Et nous, on a pensé, avec ce qu'on a lu et qui on a rencontré comme agriculteur, une ferme décroissante, ça pourrait être une ferme avec une taille ajustée en fonction du nombre d'agriculteurs qui y travaillent. Et pour cela, on a notamment des associations comme Terre de Liens ou Ferme en Vie qui préservent le foncier agricole. En fait, en rachetant des espaces agricoles, ces associations sanctuarisent des espaces pour contenir un peu la taille des exploitations et les maintenir à une échelle un peu humaine, familiale, et pour promouvoir l'agriculture paysanne. Et du coup, aller à l'inverse de la course à l'agrandissement. Donc notre agriculteur en question, il pourrait s'installer sur une ferme Terre de Liens. Terre de Liens serait propriétaire des terres, et notre agriculteur, lui, s'installerait et il travaillerait sur ces terres. Voilà, et ça marche aussi pour Ferme en Vie, qui est une autre association. Et donc, on appelle ça, entre autres, du portage foncier. Mais maintenant qu'on a les terres, vient le moment où il faut qu'on sème les graines. Donc en fait, il faut se fournir en semences et la majorité des agriculteurs, ils ont recours aux circuits traditionnels, on le sait tous, par les coopératives ou les grands semenciers. Mais malheureusement, ces semences, elles sont non reproductibles. C'est-à-dire qu'année après année, l'agriculteur devra racheter de nouvelles graines, de nouvelles semences, car elles sont stériles. Et ça crée une énorme dépendance auprès de ces industries. Mais un autre choix est possible, c'est l'utilisation de semences paysannes. Mais les semences paysannes, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Les semences paysannes, en fait, ce sont des semences qui sont sélectionnées, échangées et reproduites sur la ferme et qui sont possibles de ressemer d'année en année. C'est-à-dire, une fois ma récolte réalisée, je pourrais ressemer le blé que j'ai récolté l'année dernière pour l'année suivante. Mais là, la seconde question qui va venir, mais quel est le lien avec cette décroissance? Et d'abord, elles vont permettre de réduire cette dépendance aux grandes industries semencières. Et les graines semées d'une année sur l'autre pourront être re-récoltées. Et ces semences paysannes, elles ont aussi l'avantage d'être peu exigeantes en intrants et elles possèdent une grande diversité génétique. Cette diversité génétique, elle leur permet de s'adapter au climat, au terroir, mais également au changement climatique, tout en utilisant moins d'intrants chimiques. Et donc, dans cette logique de décroissance, ça signifie utiliser moins de ressources naturelles et cultiver de manière plus respectueuse et durable, sans viser une production excessive. Donc ensuite vient la question de quelle espèce nous allons cultiver. Donc nous proposons d'avoir une culture, donc des cultures diversifiées qui vont comprendre une part de légumineuses, les légumineuses qui sont riches en protéines végétales pour répondre aux besoins alimentaires des Français, puisqu'on considère que les consommateurs s'engagent également à consommer moins de viande et plus de protéines végétales. Si l'on part du fait que 70% des terres agricoles françaises sont dédiées à l'élevage en France, un changement de consommation pour aller vers moins de viande, de consommation de viande et plus de protéines végétales, ça pourrait permettre d'utiliser ces terres agricoles pour nourrir directement les hommes avec les protéines végétales et ainsi compenser la diminution des rendements qui pourrait être engendrée par une agriculture plus biologique et durable, dont Alice va nous parler maintenant. Oui, effectivement, on pourrait imaginer que notre agriculteur se convertisse en bio. Donc même si le bio est très mis à mal en ce moment, on a vu que le pouvoir d'achat des Français a fortement diminué. Et le prix des denrées biologiques ont augmenté. Et donc, c'est pas très encourageant de parler du bio aujourd'hui, mais on a fait quand même le choix d'en parler parce que ça repose quand même sur des principes très durables et très économes, en fait. Le fait de pas utiliser d'intrants de synthèse sur notre exploitation, ça rend notre production beaucoup moins polluante et... Ouais, avec beaucoup moins d'impact fort sur les écosystèmes. Après ça, c'est à mettre au regard aussi vu qu'on n'utilise pas d'intrants de synthèse pour gérer tout ce qui est adventice et fertilité, on va avoir beaucoup recours au travail du sol. Et donc là, par contre, ça, c'est très polluant. C'est passer avec des tracteurs, donc ça consomme du pétrole et ça demande beaucoup de temps de travail. Et donc, il y a certains pionniers en France qui se saisissent de cet enjeu et qui poussent encore plus loin l'agriculture biologique en faisant l'agriculture biologique de conservation des sols. Et donc là, en fait, c'est la combinaison entre le bio qui n'utilise pas d'intrants de synthèse et la conservation des sols qui réduit, voire arrête complètement de perturber le sol mécaniquement. Et donc ça, c'est un challenge... redoutable, mais c'est très économe du coup en énergie fossile, en temps de travail et voilà, ça va avoir beaucoup moins d'impact sur les sols. Et pour l'agriculteur, l'avantage du coup, c'est qu'il jouera beaucoup sur les problèmes d'érosion de ses parcelles et de fertilité. Cette notion est quand même à mettre en perspective avec la réalité actuelle. Aujourd'hui, on parle encore de pionniers pour l'agriculture biologique de conservation des sols. Ils sont très peu nombreux, mais parce qu'en fait, c'est très, très compliqué. Et voilà, peu s'en saisissent. Ensuite, nous allons aborder donc le point du matériel agricole, car pour cultiver, l'agriculteur va avoir besoin de semer, de récolter, de trier la récolte, par exemple. Et donc, cela demande l'utilisation de nombreuses machines qui sont très chères. Donc, dans son modèle décroissant, notre agriculteur il pourrait adhérer à une CUMA, qui est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Et donc, en fait, le principe, c'est qu'il va partager son matériel agricole avec les agriculteurs voisins et ainsi éviter de gros investissements personnels dans les machines qu'il ne va pas utiliser de manière régulière. Et donc cela va permettre de limiter la consommation de ressources pour la construction de machines, que chacun ait la sienne, mais plutôt promouvoir le partage. Voilà, donc on arrive à la fin de ce projet de ferme imaginaire, mais très fortement inspiré des agriculteurs et agricultrices qu'on a pu rencontrer tout au long de notre parcours. Et c'était important pour nous de revenir juste sur le côté, en fait, que toutes ces pratiques-là, ouais, elles amènent quand même beaucoup moins de rendement que les pratiques conventionnelles aujourd'hui, en tout cas en France. Et donc ça, c'est un peu le paradoxe avec la décroissance, parce qu'en décroissance, on imagine qu'en fait, comme l'a dit Angèle, les consommateurs prendraient le pas aussi et consommeraient moins de viande. Et donc tout ça, ça favoriserait un cercle vertueux de on consomme moins, donc on n'a pas besoin de pousser énormément les rendements et avec l'agriculture intensive. Sauf qu'aujourd'hui, c'est le cas et les consommateurs demandent beaucoup et tout le temps. Donc c'est vraiment pas facile pour les agriculteurs de se saisir de ces pratiques-là que nous, on a appelé décroissante. Et le dernier point, c'est l'accompagnement, qui n'est pas forcément simple et évident de ces agriculteurs, parce qu'en fait, l'outillage institutionnel et administratif pour accompagner l'agriculture, il a été pensé dans les années 60. Comme on a entendu Charles de Gaulle en parler tout à l'heure, il fallait moderniser l'agriculture. Et aujourd'hui, c'est le même outillage, mais avec des objectifs qui sont complètement différents. Donc, c'est compliqué pour les agriculteurs d'être accompagnés. Donc, on sent bien qu'il y a une urgence des deux côtés, que ce soit du côté de la communauté scientifique ou du monde agricole. Chacun tire de son côté avec de très fortes revendications. Mais tout ça, c'est englobé et ça se déroule dans un contexte climatique très instable depuis quelques années, qui a lancé son compte à rebours infernal. Bienvenue à nouveau sur Campus FM, je suis Sarah et je suis en compagnie de Alice et Angèle. On vient d'écouter ensemble un extrait du titre Blood Flow composé par le groupe Grand Brother. et on écoute actuellement un épisode de l'émission Agro J'écoute. Aujourd'hui, dans cet épisode dédié à la décroissance en agriculture, on a déjà exploré un peu plus tôt ensemble comment ce concept pouvait être appliqué au secteur agricole. Et à présent, on va poursuivre cette réflexion et interroger les impacts concrets que peuvent avoir ces pratiques. On abordera les limites qu'il est essentiel de considérer, mais tout de suite, on va peut-être parler des bienfaits et des bénéfices qu'elles peuvent apporter. Donc effectivement, la décroissance a de nombreux bienfaits. Si on prend au niveau donc, environnemental, la décroissance elle permettrait de restaurer l'équilibre écologique en favorisant la biodiversité, avec moins de monocultures, moins de produits phytosanitaires notamment. Le système il gagnerait en résilience. Et on va peut-être passer maintenant à un aspect qui est souvent négligé, mais qui est essentiel, c'est les intérêts sociaux de cette décroissance agricole, et notamment son impact direct sur le bien-être des agriculteurs. Aujourd'hui, on le sait tous, beaucoup d'entre eux vivent sous pression constante, que ce soit pression du travail, mais aussi des pressions financières. Et y a une gestion quotidienne qui est épuisante, ils ont peu de temps pour eux, et c'est une course permanente à l'optimisation, à l'agrandissement, à la production sur leur exploitation. Et avec cette décroissance, justement, ce modèle, il pourrait évoluer en adoptant des systèmes diversifiés, plus autonomes. Les agriculteurs, gagneraient en liberté et en qualité de vie. Et justement, Angèle, tu vas peut-être me parler d'un modèle qui s'est fortement inspiré de cette idée, c'est ça ? Exactement. C'est Masanobu Fukuoka, dans son livre « La révolution d'un seul brin de paille », il prône un retour à des pratiques naturelles. Donc, c'est un agriculteur qui a une ferme en permaculture où il produit du riz, des fruits et des légumes au Japon. Et il intervient, donc son principe, c'est d'intervenir le moins possible dans son processus de production et cultiver en respectant la nature et en la laissant travailler au maximum à sa place. Donc, il ne va pas utiliser de fertilisants, il ne va pas travailler son sol, ni désherber, ni utiliser de produits chimiques. Mais il va plutôt laisser le sol s'enrichir en plantant des engrais verts, qui sont des cultures intermédiaires à base de légumineuses pour enrichir le sol. Également, il va laisser la paille sur le sol pour restituer la matière organique au sol et éviter les mauvaises herbes et de nombreuses autres pratiques comme ça. Et donc, les agriculteurs aussi, avec cette manière de faire, retireraient une certaine fierté d'un travail qui est réfléchi et pensé et la satisfaction d'une autonomie à l'échelle de la ferme. Moi, je vais peut-être vous parler des quelques intérêts économiques que pourrait avoir cette décroissance agricole. Mais justement, en diversifiant nos cultures, nos systèmes, les agriculteurs, justement, pourraient mieux se prémunir contre les aléas climatiques et les fluctuations du marché. Et cette diversité, elle leur offrirait une certaine résilience économique en évitant de mettre, comme on le dit, tous les œufs dans le même panier, et comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Et en plus, ce modèle, il serait moins dépendant des crédits nécessaires pour financer des équipements. On a parlé des systèmes de CUMA tout à l'heure. Et également, moins dépendant des crédits financiers liés à l'achat des terres qui sont trop coûteuses. Et les agriculteurs ainsi seraient moins endettés et ça soulagerait énormément leur trésorerie et leur stress financier, donc un intérêt social supplémentaire. Ok, donc maintenant on a bien parlé de la définition de la décroissance, de qu'est-ce qu'on pourrait en faire et des bienfaits que ça apporterait surtout aux agriculteurs. Mais il nous semblait quand même très important de revenir sur les très fortes critiques et surtout sur comment actuellement la décroissance elle est perçue par le monde agricole. Donc un bref rappel des faits, en ce moment il y a des manifestations d'agriculteurs qui se déroulent surtout à Paris et en fait on va pouvoir juste écouter un extrait d'un porte-parole d'un syndicat et vraiment écouter son cri du cœur qui montre qu'en fait pour lui c'est tellement important la production et de la ralentir ou même de la diminuer, c'est perçu comme des fois une violence et un oubli du monde agricole. On en a assez d'être contraints, d'avoir des normes qui nous tombent dessus, d'avoir des réglementations qui nous empêchent de produire. Nous sommes fiers de produire pour nos exploitations, pour nos familles, pour notre pays, parce que la production, c'est ça qui fait la richesse de l'agriculture. Bravo. Et aujourd'hui, on a besoin de moyens. Et si on est aujourd'hui devant l'INRAE, c'est parce que des instituts comme l'INRAE doivent nous donner les moyens de remplir notre fonction de producteur. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Depuis des années, c'est la décroissance qui est organisée. Ça suffit. Aujourd'hui, il faut que les politiques prennent conscience de notre message. On veut des actes rapides, des actes concrets pour enfin pouvoir travailler dignement et vivre dignement de notre métier. Donc ça, c'est un extrait qui a été enregistré lors d'une manifestation datant de fin novembre 2024. Voilà, donc en fait, quand on reprend la définition de Timothée Parik tout à l'heure, on se rend compte qu'elle est très ambitieuse et parfois très éloignée de la réalité. Et il y a pas mal d'autres économistes qui décrit complètement la décroissance avec un argument tout simple qui est par exemple, si on réduit la production et par extension la consommation, l'État perçoit moins de recettes fiscales et donc est compromis pour remplir sa tâche de, enfin sa fonction plutôt de service public et de soutien des populations. Voilà, et il y a certains, enfin beaucoup confondent la décroissance avec la récession. Par exemple, on peut prendre la métaphore du régime donnée par Timothée Parik dans le podcast « Il n'y a plus de saison ». Donc il explique que si quelqu'un, par exemple, a comme objectif de perdre 20 kilos, il peut soit faire du sport et soigner son alimentation, ou bien se couper une jambe. Dans les deux cas, le but est atteint, mais la conséquence ne sera pas la même. Voilà, donc ça c'est vraiment ce côté un peu condamnation de la décroissance vue comme une récession et des fois même un cynisme quoi de la part... les agriculteurs se sentent violentés et oubliés par les politiques. Et on voit qu'en fait les contraintes climatiques, par exemple les fortes températures, la sécheresse ou les précipitations qui reviennent de plus en plus fréquemment et qui varient beaucoup... qui vont varier beaucoup dans les prochaines années, dû au dérèglement climatique. C'est comme si la décroissance, elle était déjà subie par les agriculteurs et qu'elle n'était pas voulue. Et les défenseurs de la décroissance, c'est vraiment ça leur propos, c'est qu'en fait, il faut qu'on anticipe tout ce qui va nous tomber dessus d'un point de vue climatique et donc qu'on organise cette décroissance. Et donc ça, c'est très décrié par les agriculteurs qui se sentent complètement... oubliés et pas écoutés par les politiques, les gouvernements et le Parlement européen, notamment avec la PAC. Donc pour conclure, dans cet épisode, nous avons restreint notre analyse au monde agricole français. Donc la France étant une puissance agricole indéniable, nous avons le potentiel et les moyens de changer notre agriculture pour qu'elle s'intègre à un modèle décroissant, notamment grâce à notre grande surface agricole et à notre diversité de production. Seulement, cette transition agricole, elle pourra s'effectuer qu'en étant accompagnée d'un changement des modes de consommation plus responsables et des règles de concurrence au niveau international. Enfin, je vais vous laisser avec cette citation de l'économiste Olivia Montel. Bien que les préoccupations environnementales soient omniprésentes en politique, la décroissance n'y a encore jamais été débattue de manière rationnelle. Au mieux est-elle prudemment évoquée comme un mot dont il faudrait cesser d'avoir peur. Merci Angèle, voilà, je pense que nous arrivons au terme de cet épisode. Ce sujet était aussi vaste qu'essentiel, il aurait encore mérité bien d'autres discussions et on serait ravis d'avoir vos retours, vos impressions. Alors n'hésitez pas à partager vos réflexions. Un immense merci à Campus FM pour nous avoir accueillis dans leur studio, ainsi qu'à Sophie Yvon, Adeline Bouvard et Simon Giuliano, professeurs de l'école d'ingénieurs de Purpan. Merci pour votre accompagnement et vos précieux conseils. Et bien sûr, un grand merci à vous, chers auditeurs, d'être restés avec nous jusqu'au bout. C'était un plaisir de partager ce moment avec vous, Alice et Angèle. Merci à vous. Merci, Sarah. Et merci à toi aussi. Et bien, à très bientôt pour un prochain épisode d'AgroJ'écoute. Au revoir. Au revoir.